GG. Le respect c'est dans le poitrine. Rapman. My name is Everzad. Yeah, nigga. Come on. Whiskey Solid. On me demande pourquoi on filme Laurent Song. On filme Laurent Song pour gagner des bons songs. Hey, Kassad. قالوا لي كتب لارسبيتو خدم تربي سبيسيتو كبرت وشوف سواقع جار تبقى منو غير تيتو علمونا الخاوة باللي الاحترام خصو يكون متبادل حاق واقع كامل هم وسخو الفوقاش يتعادل بديت نشوف قليل اللي فيهم كيحترم سباقي كيقول فاهم دارنا واقع عايش فيه الحق فبرج بري مساهم باش بغيتي نحترم كتينا الخاوة كاع ما كتحترمني حط راسك وسط واقع وحاول تما تفهمني بدات من واحد صارمو فهاد الوقت بغي يخشيك في كرشو بلا بني فقر قلب زوا وخلي بلا ما فرشو فاكي غير بستيلو حسم كلامي بزاف صرتو ما باغي نفضي عشيري باغي نقري ليل الدرس باقي يسمع ظلام الليل ستيلو يدمع علاش يدمع لكلام الحق في قلبي تجمع كيف ما كتشوف فرط من قلبه ماشي نسمع باقي ننصح بالراب ناصح في بلاصتي نطلع الحمد لله خلقنا مسن من الاحترام خلق من عدنا كتاب الصح ديما واضح شكون فيهم يفهمنا كبرنا معاهم غلي زادنا قليل منهم اللي صحنا في القلب خلى ما احنا في ستيلو زدنا وضحنا خلي عمر قلبك بالله وترك صح باقا تنصح حروفك داو جراحك وخلي القلب تما يقصح وريسبكت Respect, c'est par tout le monde. Le respect, c'est par tout le monde. C'est ni à moi, c'est ni à Louis, c'est ni à autre. C'est par tout le monde, par tout le monde, y'a. Yeah. Par tout le monde, par tout le monde, y'a. Yeah. For myself, the mental, c'est le secret expérimental. Quant à moi, et quant à toi, et quant à l'idée, et verdade. Ne me dis pas, ne me fais pas tard, je suis un homme. Anti-criminel, anti-phénoménal. C'est le microphone, c'est le microphone, non. Quand tu dans ce tempo, comme un véritable sas, c'est une sas qui nous donne des très bons messages. Des marches dans la rue, comme un vagabond qui gaffe dans ce tempo. Oh la pauvreté, dans mon ghetto, yes, yes, yo. Je te dis le respect, c'est par tout le monde. Le respect, c'est par tout le monde. C'est pas à moi, c'est ni à Louis, ni à autre. C'est par tout le monde, par tout le monde, y'a. Yeah. Mais par tout le monde, par tout le monde, y'a. Yeah. Maman, je ne peux pas te payer santé, santé. Je me souviens, on en fait beaucoup des choses. C'est là-bas que j'ai connu le commencement du monde. T'es tout, maman, c'est vous, maman. Amigo, n'oublie jamais tes parents. Maman, tu m'as gardé, ne fous mou pas, c'est de vente. L'homme qui dort pas la nuit à cause de moi. Tout ça, c'est parce que tu ne veux pas que quelqu'un me fait du mal, fait du mal, fait du mal. Le respect, c'est par tout le monde. Le respect, c'est par tout le monde. Le respect, c'est par tout le monde. C'est ni à moi, c'est ni à Louis, c'est ni à autre. C'est ni à autre, là où c'est passe, là où c'est regarde, vous gâtez mon nom. En me disant que, est verdad des bandits, est verdad des criminels, est verdad des tristes. N'oubliez pas, c'est le microphone qui nous a mélangé. Hey ennemi, fais doucement vers moi. Sinon je vais pas monter, faire leur intérêt si t'es tympan. Pour te parler là où tu dois être envers moi. Because tout le monde connaît que je suis trop dangereux. C'est le microphone, c'est le microphone. Et m'aurait pas ennemi. Je te dis le respect c'est par tout le monde. Le respect c'est par tout le monde. C'est ni à moi, c'est ni à Louis, c'est ni à autre, c'est ni à autre. Le respect c'est par tout le monde. Le respect c'est par tout le monde. C'est ni à moi, c'est ni à Louis, c'est ni à autre, c'est ni à autre. Respect mon frère. Yeah.